Bon matin, bienvenue à CNX.zip, émission qui compresse les chroniques technologiques CNX d'assemblage requis. Cette semaine, on compresse la semaine du 9 avril 2012. Parmi nos sujets, des écrans tactiles et Internet dans les cabines téléphoniques, des Macs infectés par un cheval de Troie, des cobayes recherchés pour tester un logiciel de contrôle des rêves, les prédictions de la première ronde de la Coupe Stanley de EA Sports, la Nintendo 3DS remplace les audioguides au Louvre, tout ça en plus de musique chiptune et des nouveautés en magasin cette semaine. On commence l'émission tout de suite, voici la chronique de mardi. Mardi matin, première chronique CNX de la semaine. Et étant donné qu'on est pressé dans le temps aujourd'hui parce qu'on a des tonnes de chroniqueurs, je me suis donné un petit genre de barème. Là, okay? J'ai un bouton reset ici, okay. Reset sur la console. Je passe ça, puis je vais me donner combien de temps? Mettons 6 minutes pour arriver jusqu'à 8 heures. 6 minutes, ok, parfait. 6 minutes, ok, attention. Reset, go! Les cabines téléphoniques inutilisées vont connaître une nouvelle jeunesse à New York en étant prochainement équipées d'écrans tactiles avec accès Internet, des iPads dans les trucs de téléphone. Oh, ouais. 250 cabines téléphoniques seront ainsi équipées d'un écran tactile de 81 cm dans le cadre d'un projet pilote. New-Yorkais et touristes pourront rechercher des informations locales sur les transports, les restaurants, les sols, les lieux historiques ou les événements à venir. Il sera aussi possible de s'y connecter au 311, qui est le numéro permettant notamment de déposer des réclamations non urgentes. Les touristes étrangers ne sont pas oubliés. Les informations y seront consultables en plusieurs langues. L'objectif étant d'atteindre 10 langues qui seront déterminées en fonction des demandes. À terme, il devrait également être possible d'y téléphoner par Skype. Excellente idée, ça. T'as ouais, là, t'as une tablette. Skype-moi ça à ton oncle, tu sais. Tout le monde va avoir Skype éventuellement. Ah oh, oui, oui. Excellente idée. Ensuite, les Macs qui sont infectés par un cheval de Troie. Il y en a 600 000 Macs infectés, dont 120 000 au Canada en date de jeudi dernier. Le malware Flashback exploite une faille de Java sous Mac OS X pour voler les données d'accès à des sites web populaires. Depuis deux mois, Backdoor Flashback 39 espionne les faits et gestes de milliers d'utilisateurs de produits Apple sur le web. Oh, oui. La compagnie a réagi en sortant un patch pour Java c'était mardi dernier. Alors, ça fait une semaine. Le 4 avril, Dr. Web, une firme russe de solutions antivirus, évaluait le nombre d'ordinateurs infectés à 550 000. Bon, évidemment, les chiffres ont changé avec le temps. Les États-Unis qui sont les plus touchés avec 56,6% des machines malades, puis le Canada avec 19,8% et le Royaume-Uni avec 12,8%. Si vous voulez voir comment... dans le fond, on commence à savoir si vous êtes infecté. Passez par assemblagerequis.com. J'ai posté un article qui vous dit en détail comment savoir si vous l'êtes. Est-ce que tu l'étais? Je n'ai pas été voir. Non? Pas été voir, mais j'avoue que ça pourrait être une bonne idée. Un nouveau brevet déposé par Apple qui fait rêver au chargement sans fil des appareils. Le dépôt de nouveaux brevets par Apple dévoile un avenir de chargement sans fil des gadgets de la compagnie à travers leur emballage. La demande pour ce brevet s'intitule Active Electronic Media Packaging. Ça prévoit le chargement de l'appareil alors qu'il est dans l'emballage, mais aussi l'envoi de données. On pourrait par exemple mettre à jour le système d'exploitation du gadget ou envoyer des présentations de démonstration pendant qu'il est en magasin. Donc il est dans sa boîte, t'arrives à la maison, c'est à jour avec la plus récente version parce que ça s'est mis à jour sans fil par l'emballage. On peut lire dans la demande de brevet, je cite, « Alors que l'emballage typique des appareils électroniques est d'abord conçu pour protéger le produit, l'emballage est extrêmement limité sous d'autres aspects. » Par exemple, la possibilité de voir complètement le produit et d'interagir avec lui-même sous l'emballage. Eh bien, le brevet prévoit un transmetteur externe et un récepteur dans chaque emballage pour que le tout se fasse sans fil. Et la demande a été déposée en décembre dernier. Évidemment, les brevets ne finissent pas toujours par s'exaucer. Ouais. Donc, on prend ça à la légère. Et on est rendu à presque 3 minutes, donc la moitié de la chronique. Neil Young, maintenant, qui développe un service de téléchargement de musique de très haute qualité. Ah ouais? Oui, il est insatisfait des MP3 et le rocker canadien a déposé 6 noms de marques aux États-Unis pour cette alternative à iTunes et à Amazon. Les 6 appellations possèdent la même description. Je cite, « Service de vente en ligne et de détail de performances musicales et artistiques, musique de haute résolution téléchargeable via Internet. » Disque de haute résolution mettant en vedette de la musique et de la vidéo. Médias numériques préenregistrés contenant des enregistrements audio et vidéo pour le stockage et la lecture. On peut donc déduire que parmi les 6 noms possibles qui sont Ivanhoe, 21st Century Record Player, Earth Storage, Storage Shed, Thanks for Listening et SQS. Un seul sera choisi au hasard. C'est tous des noms vraiment pas très bons. Ouais, c'est bizarre. C'est plutôt laid. À mon avis. Le 31 janvier dernier, lors de la conférence Deep Dive into Media présentée en Californie, Neil Young avait exprimé sa frustration quant à la compression des formats qui ne rendent pas justice à l'art qu'il pratique depuis 50 ans. Le reste de l'article sur assemblagerequis.com. On approche les 4 minutes de nos 6 minutes chronométrées. On va y aller avec les nouvelles en bref. Tiens, pourquoi pas, Sergey Brin, un des cofondateurs de Google, qui nous présente les Google Glass, mais dans la vraie vie. Si vous n'avez pas encore entendu parler des Google Glass, du Google Glass Project, je vais vous laisser aller voir ça sur Internet. Ça a l'air assez malade. Hein? Ouais, c'est génial. C'est des petites lunettes que tu portes et puis il apparaît des choses dans ton champ de vision. Par exemple, tu peux appeler quelqu'un, tu vas le voir juste dans tes yeux. Comme ça, tu vas voir, mettons, un message texte en train de s'écrire. Tu vas pouvoir aller sur plein d'affaires comme ça. C'est branché Wi-Fi, c'est plein de choses. Mais c'est la première fois qu'on les voyait dans la vraie vie. Donc, Sergey Brin qu'on voit en photo avec tout plein de gens et ses Google Glass glasses dans la face. Et évidemment, on a une parodie aussi, il fallait s'y attendre, Windows Project Glass, qui est évidemment ce que ces lunettes-là, hélas, c'était Microsoft qui les faisait. Je pense que tu peux me dire tout ce qui a lieu dans la vidéo sans même l'avoir vu. Ouais. Des pop-up, des crash écran bleu, messages d'erreur. Oui, tu t'attends à ça et c'est exactement ça. Mais c'est bien fait, quand même. Et même quand le gars jette sa banane dans la poubelle, ça demande, êtes-vous vraiment certain de vouloir jeter votre banane comme quand tu effaces un fichier sur Windows? C'est bien fait, mais c'est facile comme blague. Ouais. Une autre nouvelle en bref. C'est le Philips Ergo Sensor, qui est un écran LCD qui prend soin de la posture de l'utilisateur. Donc, c'est un écran qui intègre un capteur pour identifier la posture de l'utilisateur et qui envoie des alertes pour corriger notre position selon plusieurs paramètres. Le dos droit. Oui, le dos droit, mon petit garçon, le dos droit. On aime ça, c'est quand même une bonne idée. Un gars qui vend un rein pour acheter un iPad et un iPhone. Mais ça, c'est... Oh, arrête. On fait pas dans l'insolite, mais ouais, ça, c'est quand même une nouvelle qui existe. C'est atroce. Facebook, ça, encore une fois, on fait pas dans la finance à CNX, mais Facebook achète Instagram pour je crois que c'est milliard de dollars américains. Oui, c'est bien ça. Donc, Instagram, qui est la petite application qui vous permet de prendre des photos vintage sur votre iPhone et maintenant sur Android. Il reste 30 secondes, vas-y. OK, la fin de Mass Effect 3 qui va être changée une extended cut. Oui, donc du contenu téléchargeable. On en parlait il y a quelques semaines de ce jeu avec une fin que les gens aiment pas. Le décès du gars qui a fondé Commodore, malheureusement. On le remercie de tout ce qu'il a fait. Cet homme, c'est Jack Tramiel. 45 photos de chiens qui portent des oreilles de lapin. 11 photos jamais vues du Titanic. Et le nouveau blog Draw NYC, qui est un des Tumblr les plus créatifs du monde, où c'est on prend des photos. Là, je dépasse de 5 secondes, très rapidement là-dessus. Il prend des photos de la ville de New York, et puis il dessine des personnages de bande dessinée dessus. Ça fait un très très beau style. J'aimerais ça voir un dessin animé qui ressemble à ça. Il y en a déjà eu, là, mais tu sais, un dessin animé bon, premièrement, et qui aurait du succès, ce serait pas pire. Ouais. Parce qu'on a déjà eu pas mal des dessins animés avec des humains dans la vraie vie, avec des personnages de dessin animé dans un vrai paysage. Bon, voilà. Allez voir les liens sur assemblagerequis.com. On a battu 6 minutes. Je pense que c'est pas super. Ouais. Ça marche 10 secondes. Ça a de l'allure. Dash.com. Mercredi. Deuxième chronique CNX de la semaine. On est mercredi matin, donc on va résumer les nouvelles depuis hier mardi. Et honnêtement, il s'est pas passé grand-chose sur tes nouvelles, donc allons-y. Les autorités américaines et les 4 principaux opérateurs de téléphonie mobile du pays ont annoncé une initiative commune contre les vols de téléphones portables, justifiée selon eux par une progression inquiétante des agressions violentes. Répondant aux demandes des autorités policières de très nombreuses localités, la Commission fédérale des communications, le FCC, et les opérateurs ont annoncé qu'ils allaient mettre en place une base de données nationale visant à empêcher que les téléphones volés puissent être utilisés par des propriétaires non légitimes. Le président de la FCC, Julius Genachowski, a précisé que les opérateurs Verizon, AT&T, Sprint et T-Mobile s'étaient engagés à mettre sur pied des bases de données d'ici 6 mois avec l'objectif de parvenir à une base unique dans 18 mois. Donc, une base pour tout le monde. Okay. Ils disent que les chiffres sont alarmants. À Washington, New York et les autres grandes villes, environ 40% des vols sont désormais liés à des téléphones portables. Ça met en danger physique des gens dans tout le pays et menace la sécurité des informations personnelles contenues dans ces appareils. Le système doit permettre aux propriétaires de téléphones d'informer facilement les opérateurs du vol de leur appareil, ce qui entraînera le blocage de toute nouvelle activation. Je crois que c'est vraiment, en tout cas, à ce que je lis là, une excellente idée. Tu fais voler ton téléphone, la personne ne pourra pas l'utiliser. Tout le monde gagne. Bon, ouais, c'est ça. C'est sûr. Tout le monde. À savoir si tu peux déjouer ça, mais... Ah, ben sûrement. Ouais. Peut-être, ouais, avec le temps. Monsieur Genachowski a expliqué qu'il y a des conversations avec des responsables de l'association GSMA, qui réunit 800 opérateurs dans le monde, et les autorités britanniques. Il avait convaincu d'adopter un système similaire à celui qui est en vigueur, notamment au Royaume-Uni, avec l'objectif à terme d'intégrer la base de données américaine à celle des autres pays pour étouffer le trafic international de téléphones volés. Donc tout le monde serait sur le même réseau à la fin. Donc, tu n'aurais aucune chance, même si tu changes de pays, de pouvoir réactiver ce téléphone-là. Okay. Maintenant, on cherche des cobayes au Royaume-Uni pour tester un logiciel de contrôle des rêves. Oui, un psychologue britannique spécialisé dans les phénomènes paranormaux cherche des milliers de volontaires pour participer à une expérience destinée à établir s'il est possible de contrôler les rêves. Le professeur Richard Wiseman a contribué au développement d'une application nommée Dream On sur iPhone qui prétend guider les dormeurs dans leurs rêves. Je cite, passer une bonne nuit de sommeil et faire des rêves plaisants permet de stimuler la productivité. C'est essentiel pour le bien-être à la fois physique et psychologique. Pour que l'expérience fonctionne, le téléphone doit être placé sur le lit afin de mieux détecter le mouvement où la personne est en train de rêver, c'est-à-dire que lorsque le corps est plus immobile. À ce moment-là, le téléphone déclenche une petite musique censée évoquer des scènes plaisantes, inspirant par exemple au rêveur une marche dans les bois ou une sieste sur la plage. C'est fancy, je trouve, hein? Un petit peu trop. Le téléphone déclenche une sonnerie douce pour réveiller la personne afin qu'elle livre une brève description de son rêve. Le professeur espère qu'environ 10 000 personnes vont participer à l'expérience à l'occasion du Festival international des sciences d'Edimbourg qui se termine le dimanche prochain, en fait le 15 avril. Les résultats de l'expérience à laquelle divers médias, dont la BBC, se sont intéressés, seront dévoilés dans plusieurs mois. Le psychologue a expliqué que les gens qui souffrent de dépression rêvaient bien plus que les autres et faisaient très souvent des cauchemars. Peut-être que si leur rêve pouvait être amélioré, cela les aiderait, a-t-il dit. OK. C'est quand même un bon objectif. Ouais. Il n'y a rien de mal à ça, non. Si c'est pour régler les problèmes. Non, je suis d'accord. Ouais, ça pourrait être une bonne idée. iPad qui deviendrait un mot courant pour désigner toutes les tablettes, si ce n'est pas déjà fait, mais disons que c'est un article qui suscite des conversations. L'iPad pourrait devenir un nom générique désignant une tablette Internet, selon des experts américains. Le mot passerait ainsi dans le langage courant, un peu comme thermos, aspirine ou Kleenex. Ouais, c'est ce que je m'allais dire, Kleenex. Ouais. Ketchup aussi. Ketchup. Pour la grande majorité des personnes, l'idée d'une tablette est très attachée à celle d'un iPad, explique un gérant chez Abd Electronics à Chicago, pour qui le mot iPad devrait logiquement passer dans le langage courant prochainement. Ça peut être un avantage comme un gros inconvénient pour Apple. Je vois pas comment ça pourrait être un avantage, personnellement, pour Apple. Je sais pas, peut-être parce que le mot va être utilisé partout, mais justement, si le mot est utilisé pour des tablettes de basse qualité, je vois pas comment ça pourrait aider Apple. Non, c'est sûr. Mais eux autres, en fait, le mot leur appartient. Donc. C'est une marque de commerce. Et voilà. L'iPad ne serait pas la première marque en matière de haute technologie à imposer son nom dans un domaine en particulier. On va en parler. D'ailleurs, dans les années 80, la photocopieuse de Xerox était devenue si populaire que la plupart des Américains disaient « Je vais aller Xeroxer ça. » M'envoie la machine Xerox. Hein? Oui. Le moteur de recherche Google qui a donné évidemment le néologisme Googlé. Hein? Googler, mais on va googler ça. Ouais. Mais sinon, t'as les baladeurs d'Apple qui s'appellent les iPods. Tout le monde appelle ça un iPod, même si c'est un lecteur MP3. Donc, ce serait logique que l'iPad suive la même trace, la même lignée. Mais ce serait malheureux pour Apple. Restons dans le domaine d'Apple qui travaille sur un patch pour le Trojan Flashback dont on parlait hier dans la chronique CNX. Apple qui vient de déclarer travailler sur un outil permettant de détecter et supprimer le cheval de Troie Flashback qui infecte des centaines de milliers de Mac. L'éditeur en sécurité Kaspersky a aussi lancé sa propre solution. Ce petit virus-là qui affecte des centaines de milliers de gens, là, j'ai pas encore été voir. J'ai pas encore allé voir si j'avais moi-même ce virus-là. Disons qu'à date, il fait pas grand-chose de mais différent. Mais c'est quoi? C'est le premier vrai virus? Ben, répandu. Vraiment répandu. Il y en a eu avant ça. Là. On dit que ça toucherait environ 600 000 ordinateurs macOS dans le monde. Un malware qui circulerait depuis septembre 2011, quand même, qui s'installe à la suite à une visite sur un site malveillant contenant du JavaScript. Il exploitait des failles de sécurité du système d'exploitation d'Apple et qui a été corrigé depuis par l'entreprise. Évidemment, il y a des gens qui font pas leur mise à jour aussi, ça arrive. Même si sa propagation semble ralentie, reste aujourd'hui des centaines de milliers de Mac infectés. Apple a déclaré travailler sur un outil permettant de détecter Flashback et le supprimer d'une machine contaminée. La firme n'a pas donné de date concernant l'arrivée d'un tel programme, mais ajoute sur son site de soutien être en train de travailler avec les fournisseurs d'accès à Internet pour couper les accès aux serveurs qui contrôlent le malware, puisque ce dernier en a besoin pour fonctionner et faire transiter les informations récoltées à destination des pirates. Ça commence à être technique un petit peu, mais allez voir, je vous avais posté un article dans les notes de l'émission d'hier pour savoir si vous avez ce Trojan Flashback. Et l'article d'aujourd'hui dans la chronique CNX va évidemment vous envoyer vers le logiciel de Kaspersky pour peut-être l'enlever si vous l'avez. Take the fight. OK, c'est ce qu'on dit. Parlons de jeux vidéo maintenant. Je vais te toucher un petit peu plus là-dessus. Oh, attention, qu'est-ce que je viens de dire? Lapsus. les prédictions de la Coupe cette année par un jeu vidéo. Par NHL 2012. Mais c'est par. Est-ce que c'est par NHL 2012? C'est par un jeu de EA Sports. Ouais. Est-ce que c'est eux? Ouais. C'est eux, ça? C'est eux autres qui font ça. Parfait. Donc, selon EA Sports, qui a prédit avec succès les vainqueurs des 13 des 15 dernières séries. Oh, ouais. Oui, 13 sur 15. Ottawa ne passera pas le premier tour, François. Ouais. J'espère. Ouais. Vancouver est la seule équipe canadienne qui devrait accéder au second. C'est ce qu'on disait avec C'est du charme. C'est fiable quand même, tout ça. EA Sports a pris l'habitude de simuler des séries éliminatoires aussi bien au football qu'au hockey à l'aide de ces jeux de sport. C'est une façon comme une autre de faire reparler de ces jeux qui sont disponibles depuis longtemps. Tout à fait. La belle pub, et on en parle en plus. Fait que ça les aide. Du bon marketing. Mais c'est bien fait, ces jeux-là, quand même. Oui, c'est réaliste. Ils se dépensent tellement d'argent là-dessus. Ouais, ouais. Et les gens l'achètent tellement. Ouais. Faut bien envoyer ça. Pas beaucoup de nouveautés à chaque année, mais les gens en redemandent. Et voilà. Donc, dans la division Est, là, je comprends rien. Ouais. Donc, je vais te lire ça. La division Est, c'est celle du Canadien de Montréal. C'est qui est dans l'Est du pays. C'est nous autres. Okay. Donc, un. première affaire. New York Rangers, qui défait 8 contre Ottawa, 4-1. OK. OK, ça ne sera pas. 2, Boston, ouais. Défait, parenthèse 7, Washington, 4-0. OK. Je ne comprends absolument rien de ce que je dis. OK, mais parenthèse... Je ne comprends pas moi non plus. Boston, défait, parenthèse 7, Washington. Non, mais Boston est défait. Boston, ils ont fini deuxième contre Washington, qui ont fini septième, c'est ça? 1-8 pour les Rangers d'Ottawa? Ouais, c'est ça. Donc ensuite, New Jersey, qui défait la Floride, 4-3. Oh, OK. Ensuite, Pittsburgh, défait Philadelphie, 4-3. Ah ouais? Ouais. OK. Division Ouest, Vancouver défait Los Angeles, 4-2. St. Louis défait San Jose, 4-2. Chicago défait Phoenix, 4-1. Et Nashville contre Détroit, 4-3. OK. OK, bon. EA Sports prédit aussi que... Evgeny Malkin? Evgeny Malkin. Qui sera le leader du côté des marqueurs avec 9 points. Et je ne lis pas le reste parce que je ne veux pas. OK, mais qui gagne la coupe? Ça ne dit pas pour l'instant, je crois. Non? Non, je crois pas. Vraiment pas. Je pensais avoir un scoop ce matin. Non. Non, c'est première ronde. On vous tiendra au courant. Oui, ouais, tout à fait. Au pire, je te shoot l'article sur Facebook, tu le lis toi-même. on a parlé un petit peu hier, en bref, on va revenir là-dessus parce que c'est quand même une nouvelle assez triste et importante. Le fondateur de Commodore qui est mort dimanche dernier, Jack Tramiel, une personnalité importante dans le monde de l'informatique, nous a quittés à l'âge de 83 ans. Il a vu le jour en Pologne en 1928, d'origine juive. Lui et sa famille sont déportés dans le ghetto de Lodz et ils sont ensuite envoyés dans le camp de concentration tristement célèbre d'Auschwitz durant la Deuxième Guerre mondiale. Son père perd la vie lorsqu'il est envoyé au camp de travail de Alem Hanover, l'armée américaine qui le libère en avril 1945. C'est en 1947 qu'il décide d'émigrer aux États-Unis. Il se lance dans la réparation de machines à écrire, ensuite dans les calculatrices, et après ça, les ordinateurs. Donc, c'est en 1954 qu'il décide de former Commodore International. Son entreprise lance en 1982 le Commodore 64, qui encore aujourd'hui demeure le modèle d'ordinateur le plus vendu dans le monde. Imagine, encore aujourd'hui, là, avec plusieurs millions d'unités écoulées. Alors, en 1984, forcé de quitter sa compagnie qu'il avait créée 30 ans plus tôt, il fonde Tramiel Technologies. La même année, il achète de Warner Communications Atari, cette division consacrée aux jeux vidéo, qui à l'époque connaît quelques problèmes financiers. La compagnie de jeux vidéo lance plusieurs consoles comme l'Atari ST, le Lynx et le Jaguar. Son fils Sam reprend les rênes de l'entreprise dans les années 80. Et en 96, la compagnie est finalement vendue au fabricant de disques durs JT Storage. Jack laisse dans le deuil sa femme Ellen ainsi que ses trois enfants, Gary, Sam et Leonard. Oh, c'est triste. À partir d'aujourd'hui, en fait, le musée du Louvre remplace ses audioguides par des consoles portables Nintendo 3DS, François. OK. Oui, dans le cadre d'un partenariat de 5 ans avec le groupe japonais, c'est ce qu'ils ont annoncé. Ça, il s'agit, bien, ça. Ben oui, il s'agit d'une première mondiale avec un musée, puisque non seulement ils ont expérimenté le concept avec des galeries d'art au Japon, il s'agit d'une première mondiale avec un musée, puisque nous avions déjà expérimenté avec des galeries d'art. Voilà. Quelques 1500 machines sont prévues au début, mais le musée compte en proposer 5000 à terme. Elles sont différentes de celles proposées dans le commerce, avec notamment l'absence de haut-parleurs. L'affichage en 3D sans lunettes est en revanche toujours présent. La location de l'appareil revient à 5 €. Contre 6 euros pour l'ancien audioguide, donc c'est un petit peu moins cher que c'était. Console 3DS autour du cou, il est possible de naviguer dans les allées du palais en étant géolocalisé à tout instant et d'écouter 700 commentaires sur les œuvres du musée. Excellente idée. Pour certaines, comme la victoire de Samothrace, une reproduction en 3D est incluse dans le logiciel et offre la possibilité de contempler ses œuvres sous des angles de vue inédits. Donc j'imagine, vu qu'on peut pas tourner les choses dans le musée, ou des fois c'est sur un mur, je sais pas trop quoi, de pouvoir voir le côté que tu verrais pas normalement, j'ai aucune idée, quelque chose comme ça. Ils ont expliqué le choix de la 3DS par le fait qu'il s'agissait d'un objet courant très facile à utiliser grâce à son écran tactile. Vrai. Plusieurs parcours sont proposés en 7 langues, notamment pour découvrir les œuvres les plus connues du musée, étant donné que 70% des visiteurs viennent au Louvre pour la première fois. D'autres seront incorporés par la suite, notamment à destination des personnes handicapées. Nintendo a inclus quelques secrets dans le logiciel, entre autres des choses conçues par son très réputé homme de service Shigeru Miyamoto, créateur de Mario, entre autres. Parmi ces bonus-là, il y a une photo de M. Miyamoto devant la Joconde dans la visite virtuelle de la salle où elle est exposée. Donc, c'est des petits bonus qui sont ajoutés sur la 3DS. Maintenant, tour de quelques petits trucs sur Internet. Des top modèles sans maquillage. Hein, toujours intéressant d'aller voir ça. Des beautés naturelles, c'est très joli. Sur assemblagerequis.com. Un homme qui a fait une petite blague. Thomas Elliott est allé dans un centre d'achat en Virginie et a fait une expérience sociale. Il a engagé, ou en tout cas demandé à ses amis, de faire comme si lui était une vedette. Tu sais, genre les filles, ah, c'est Thomas Elliott, nanana. Fait que là, ben, tout le monde commence à s'attrouper autour, les gens posent des questions, c'est qui? Ah, c'est le gars qui joue dans, tu sais, il invente des affaires, c'est le gars qui joue dans The Hunger Games, là, pis, qui joue? Ben, un des gars, là, qui se bat, là, c'est ça, il est à la fin, il a les cheveux, t'sais. Donc, Thomas Elliott qui devient une grosse vedette. Et là, sur Twitter, on le voit dans la petite vidéo en temps réel, les gens postaient sur Twitter. Hey, Thomas Elliott est au centre d'achat, les filles sont folles, lui, c'est qui ce gars-là? T'sais. Donc, ça a fonctionné jusqu'à la fin où il y a une fille qui lui demande de sortir avec lui, genre aller boire un verre, puis tout ça. Puis là, ben, il finit par la rappeler, tu sais, le gars. Puis il dit, hey, c'est Thomas Elliott, est-ce que tu vas aller faire quelque chose? Puis la fille, elle capote. T'sais. Mais elle sait pas c'est qui. En tout cas, il y a des gens qui sont attirés par les vedettes et c'est comme ça. Une petite vidéo qui montre Angry Birds si c'était un jeu PC des années 80. OK. Genre Commodore 64, ça ressemble littéralement à un jeu de Commodore 64. Donc allez voir ça, c'est très très bien fait, c'est très joli. Il n'y a pas autant de précision sur un Commodore 64 pour l'angle, ouais, j'imagine. Ouais. 10 posters de Disney réimaginés. Par exemple, Blanche-Neige, c'est un gars qui s'est mis à refaire le graphisme des posters de Disney. Donc on voit, mettons, Blanche-Neige, à la place, c'est une pomme mâchée. On voit juste le cœur de la pomme, mais les deux côtés du cœur de la pomme, ça fait les visages. Le visage de Blanche-Neige. C'est comme une histoire de la chandelle. Oui. Ça, ouais, c'est super cute. Il y en a plein comme ça, il y en a plein d'autres. Il y a aussi Retour vers le futur, version film muet. À la Charlie Chaplin, donc okay. Le gars a pris le film Retour vers le futur, a fait des effets spéciaux dedans pour avoir l'air d'un film muet, puis ben, il a mis des petites cartes de texte comme il y avait dans les films de Charlie Chaplin. Donc ça fait vraiment comme un film super rétro. C'est très très très bien fait. Ça ressemble un petit peu au film récent The Artist, récent film muet dont on avait parlé à l'émission à un moment donné. Extrait vidéo. On aime toujours les extraits vidéo quand ils fonctionnent, donc on va aller voir de quoi ça a l'air quand on fait péter 23 pieds de long de bubble wrap. En même Hey, hold up. Évidemment, une grosse machine industrielle, là, ça a l'air dangereux tellement qu'il y a des avertissements là-dessus. C'est une petite explosion. 23 pieds de long. 23 pieds de bulle. Wow, je vais réentendre le... Wow, ça crépite, toi, ça crépite. Ouais. Oh! OK. C'est maintenant, bon. On le sait, tu sais. Ouais. On le sait. C'est assez. Il nous reste seulement les nouveautés en magasin. Encore une fois, il n'y en a pas beaucoup, donc on y va rapidement sur PC, Blacklight Retribution, Shooter, la première personne. Confrontation, un jeu de stratégie fantastique en temps réel. Shoot Many Robots, un jeu d'action. Et sur Xbox 360, Devil May Cry HD Collection, une collection de jeux d'aventure qui est aussi sur PlayStation 3. C'est les trois premiers Devil May Cry rassemblés ensemble dans une édition spéciale. Kinect Star Wars, un jeu de science-fiction à la première personne. Sur Xbox Live Arcade, en ligne seulement, Diabolical Pitch, un jeu d'action. The Pinball Arcade, un jeu de pinball. Anomaly Warzone Earth, un jeu de stratégie. Il y en a qui, vraiment, ça vaut la peine de les préciser. Sur le Sony Entertainment Network de la PS3, en ligne seulement, I Am Alive, un jeu d'action-aventure horreur. Donc, pas pour moi, un jeu d'horreur. J'ai peur facilement. Pour vrai? Au jeu vidéo, ça fait peur? Ouais, des fois. Ah ouais? Ça me prend pas grand-chose, mettons. Sur le Sony Entertainment Network de la PSP, en ligne seulement, Cannibal, un jeu de plateforme en 2D. Et Farm Frenzy, un jeu d'action. J'imagine un simulateur de ferme. Là. Ouais. Toujours fascinant. Sur Nintendo Wii, Titanic Mystery, hein, on s'approprie un petit peu. Ouais, c'est ça. Disons que c'est de l'opportunisme. En fait, c'est un jeu d'objets cachés, nous dit-on. On cherche des choses. Je trouve ça tellement ennuyant. Hey, c'est le pire jeu, ça. C'est incroyable. Ah, c'est plate. C'est incroyable. Mais on vous juge pas si vous jouez à ça, hein, du tout. Un petit peu. Ça sort aussi sur Nintendo DS. Et Xenoblade Chronicles, un jeu de rôle. Sur Nintendo WiiWare, TNT Racers, un jeu de course arcade. Et sur Nintendo 3DS, on trouve Funky Barn, un autre simulateur de ferme. Sur le Nintendo eShop, en ligne seulement, Colors, un jeu de dessin. On nous dit robuste. Tu sais, c'est très populaire sur iPhone, le petit jeu de dessin Draw, je sais pas quoi. Robuste. Draw something robuste avec beaucoup de... Robuste. Robust. Robust, tu sais, en anglais, ça a l'air beaucoup plus crédible. Oh, ouais. Non, c'est pour... Robuste, c'est genre qu'il y a beaucoup d'outils, peut-être. Tu sais, des différentes sortes de pinceaux. OK. des affaires là, qui, encore une fois, me touchent pas tant que ça. Sur DSiWare, en ligne seulement, mais seulement sur la Nintendo DSi, on retrouve Penguin Patrol, qui est un puzzle. Voilà, vraiment pas beaucoup de nouveautés en termes de jeux vidéo cette semaine, malheureusement. C'est tout pour Cynix aujourd'hui. Ça va faire. Merci, Mathieu. Ça fait plaisir. Hey, tu t'en sauves pas mal côté de Chiptune cette semaine, je trouve. Bien. Yeah. Hein? À le, date, je m'en porte bien. Ouais. .com Après la pause des chroniques de mercredi et jeudi à CNX.zip. Vous êtes toujours à CNX.zip, l'émission qui compresse les chroniques technologiques CNX d'Assemblage Requis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les notes de l'émission et les balado-diffusions sur assemblagerequis.com. Jeudi. Chronique du jeudi à CNX, on peut pas me dire que j'ai pas de pep ce matin pour la chronique CNX. Hein? C'est sûr que non. Commençons avec Apple qui apparemment fait de la collusion dans le domaine des livres électroniques. Oui, le département de la justice des États-Unis vient d'intenter une poursuite contre Apple et contre certains des plus importants éditeurs de livres, les accusant de collusion pour forcer une hausse des prix des livres numériques. À la poursuite accuse Apple, Hachette, HarperCollins, Macmillan, Penguin et Simon & Schuster d'avoir conspiré pour augmenter les marges de profit en imposant un prix unique choisi par l'éditeur d'un livre numérique plutôt que de laisser les détaillants fixer leur prix eux-mêmes. Amazon, par exemple, avait obtenu beaucoup de succès avec ses livres numériques à 10$, mais les éditeurs considéraient ce prix trop bas et craignaient qu'il n'entraîne une baisse du prix des livres imprimés ou qu'Amazon ne se serve de son succès pour entrer elle-même dans le marché de l'édition. Et bien, le département de la justice veut aussi faire invalider une clause du contrat standard liant Apple aux éditeurs qui oblige ces derniers à offrir à Apple le meilleur prix offert à l'un de ses compétiteurs. Selon des sources anonymes citées par Bloomberg, trois des éditeurs, Hachette, HarperCollins et Simon & Schuster, ont immédiatement réglé hors cours, tandis que Apple, Penguin et Macmillan se préparent à se défendre devant les tribunaux, Apple affirmant notamment que son entrée dans le marché a plutôt favorisé une augmentation de la compétition. Ce qui est sûrement pas faux aussi, Apple a dû populariser un peu quand même les livres électroniques avec son iPad, si bien sûr. Facebook maintenant qui offre des groupes pour les étudiants. En fait, c'est plus un retour en arrière pour Facebook. Le réseau social développe un nouveau marché, on dit entre guillemets un nouveau marché, en lançant aujourd'hui Groups for Schools. On s'y inscrit par une adresse courriel et le groupe partage des fichiers jusqu'à 25 MB d'intérêt commun. Offert pour l'instant aux étudiants américains, ces développeurs prévoient répandre le produit à travers le monde, une fois bien testé en terrain familier. Pour garder un certain contrôle sur la légitimité des groupes, seules les adresses de courriel avec le suffixe .edu, donc l'UQTR, mettons, pourrait pas en profiter, parce qu'on a une adresse à uqtr.ca. Donc, ces gens-là, avec un point EDI, vont pouvoir créer et accéder au groupe d'intérêt. Ce suffixe est strictement contrôlé et accordé seulement aux établissements scolaires. Facebook veut également garder l'œil ouvert sur le contenu et promet de surveiller les violations de droits d'auteur, donc pas de partage de musique et de films. Hein. On peut s'imaginer le genre de fichiers qui pourraient être échangés par les étudiants avec un outil de partage sans supervision, évidemment. Les groupes pourront représenter des équipes sportives, des fraternités, des cours, bien que peu de gens savent que ce service d'échange de fichiers a été imaginé par Mark Zuckerberg bien avant la naissance de Facebook. Il a d'ailleurs fait partie des premiers jours du réseau social sous le nom de WireHog. La crainte d'avoir des problèmes avec les détenteurs de droits d'auteur avait eu raison de cet outil, suivant les conseils de Sean Parker, créateur de Napster, qui venait de voir son site fermé pour cette raison. Ah, ben c'est ça, au départ... Facebook, ou de son nom d'origine The Facebook, là, si vous avez vu The Social Network, moi je l'ai pas vu, mais je suis au courant un petit peu de l'histoire. Tu l'as vu, bon. Ça a commencé comme ça, c'était un site où seulement les gens dans une école pouvaient participer. Il fallait être, on pouvait être membre d'une communauté de ton école, et là, tu voyais les comptes des gens qui étaient dans ton école, mais pas les gens des deux autres écoles. Exact. Bref, ça avait commencé comme ça, et puis on revient à ça avec des groupes pour les étudiants seulement. Non. Maintenant, toujours dans le social, Google Plus qui reçoit un nouveau design. Google a annoncé un nouveau design à sa plateforme Google Plus, la nouvelle interface du réseau social qui est maintenant à 170 millions d'utilisateurs. Moi, je dirais plus 170 millions d'inscriptions. Utilisateurs, ça doit rouler dans les centaines, cette affaire-là. Ouais. Elle sera disponible dans les prochains jours à tous les utilisateurs. Elle annonce cet effet sur le blog, c'était hier. L'entreprise dit vouloir accélérer ses efforts pour créer une interface plus simple et plus attrayante. Plusieurs choses ont changé, dont la nouvelle navigation. Au lieu des icônes, les usagers peuvent maintenant déplacer tous les boutons à gauche, en bas ou à droite grâce à un ruban dynamique style Office 2000. Genre Office avec les gros rubans. Très, très joli. Chacun des boutons pourra aussi être placé dans l'ordre voulu ou même on peut les enlever. Oui. Les conversations, une section qui contient tous les messages, images et vidéos que vous avez mis sur Google Plus a été améliorée pour vous permettre de bien visualiser ce que vous mettez en ligne. Il y a même un nouveau système appelé Carte qui vous permet plus facilement de localiser et de participer à une discussion avec vos amis. Il y a aussi des notifications qui vous autorisent à savoir quand une personne de votre communauté interagit avec votre contenu. Et pour la partie vidéo, c'est Vidéo Bulle. Avec un nouveau design qui est maintenant possible de démarrer une bulle à part, ce qui vous facilitera la vie lors de la discussion face à face par vidéo. Bref, vidéo un one-to-one à la place d'un groupe comme les Hangouts. J'imagine que c'est à peu près ça. Mais je suis pas un grand fan de Google Plus, là. Non. Non, toi non plus. Je connais personne en fait qui est dessus vraiment régulièrement. Non. Personne. Mais c'est le fun. C'est juste qu'on n'a pas besoin de 3-4 affaires, hein. Maintenant, toujours dans le domaine de Google, vous avez entendu parler, on a parlé ici à CNX des du Google Glass Project, les lunettes. Tu peux tout faire avec ça, non? Exactement. Et bien, il y a un petit bricoleur qui l'a adapté pour beaucoup moins d'argent que celles de Google, qui en passant sont pas encore disponibles, mais qui vont quand même assez cher. J'avais lu que c'était en 250 et 600$, quelque chose du genre, pour les Google Glass Project. Et ça, c'est bon, tu te promènes dans la rue, puis tu croises, tu demandes à tes lunettes par système vocal, trouve-moi un restaurant, ouais. Et là, il va te donner par GPS dans tes lunettes, dans ta face, tourne ici. C'est quand même une bonne idée. Ça a l'air d'être. Ça accroche. C'est très, très futuriste, mais dans le présent. Bon. Donc, les lunettes Google inspirent les amateurs de parodies, mais aussi les bricoleurs. Certains n'ont même pas attendu que la firme de Mountain View dévoile son concept pour se pencher sur une idée similaire. C'est le cas de Will Powell, un développeur qui a utilisé une paire de lunettes Vuzix et combiné plusieurs programmes pour concevoir un système fonctionnel. Les lunettes à réalité augmentée conçues par Will Powell sont plus encombrantes que celles de Google, mais elles ont le mérite d'avoir été conçues entièrement par le développeur. Nommé Project Glass 1D et pour l'instant considéré comme étant en version alpha, ces lunettes sont la combinaison de plusieurs éléments rendant les interactions possibles. Ce système intègre une paire de lunettes Vuzix exploitant à la base la réalité augmentée, des webcams HD de chez Microsoft et un micro-casque. Du côté des programmes, l'interface exploite Adobe Air et pour la reconnaissance vocale, c'est le logiciel Dragon Naturally Speaking qui est utilisé. Donc vraiment des logiciels de différentes compagnies mis ensemble dans une même machine, comme un vrai PC finalement. L'interface apparaît comme proche de celle utilisée par les lunettes de Google. Dans la vidéo, le développeur consulte la météo par le biais du service de Yahoo et peut envoyer des photos sur Google+. Il assure par ailleurs que la démonstration a été réalisée sans trucage et que l'image est diffusée telle qu'elle apparaît dans l'interface des lunettes. Ce qui est justement ce qu'on disait des Project Glass de Google, c'est que ça a l'air d'un genre de preuve, de comment dire, de genre de simili. On aimerait que ça ait l'air de ça, tu sais. Ouais. Genre, ça a l'air un petit peu trop pété. Mais en même temps, ils disent que ça s'en vient très bientôt dans les prochains mois. Donc, c'est peut-être final aussi. Donc, un projet impressionnant par Will Powell qui oublie par contre de donner quelques détails importants comme la durée du développement de l'ensemble et le prix total du matériel. Les lunettes Vuzix n'étant pas vraiment bon marché, donc c'est quand même cher ces lunettes-là. On peut aussi noter que le développeur n'en est pas à son coup d'essai puisqu'il a en partie développé CEO Vision, qui est un prototype d'environnement en réalité augmentée qui exploite Kinect. Donc, allez voir la vidéo de ces lunettes-là sur assemblagerequis.com. Il y a aussi une vidéo de CEO Vision avec le Kinect dont on parlait 2 secondes à peine. Il y a aussi ça dans l'article. Maintenant, toujours dans le domaine de Google, mais par la bande, là, parce que YouTube, c'est une propriété Google. Est-ce que YouTube est de gauche et Apple de droite? C'est le résultat d'une étude menée par Norman Research sur les marques de technologie et la manière dont elles sont perçues. Donc, de gauche ou de droite, vous vous posez peut-être la question. Il suffit de regarder vers quelle marque vous avez tendance à aller sur le net pour savoir si vous êtes de gauche ou de droite. Ça a l'air un peu bizarre. Ouais, vraiment. Donc, d'après l'étude réalisée en mars auprès d'un échantillon représentatif de 963 Français âgés de 18 ans et plus, les marques les plus perçues à droite seraient IBM avec 63% des sondés, BlackBerry avec 59%, Microsoft à 56%, tandis que Free, ça c'est un fournisseur Internet, à 44%, la Poste mobile à 38% et YouTube, 36%, serait plus perçu à gauche. Quant à Apple, l'étude rapporte que 54% du panel interrogé l'associe à une marque de droite. Steve Jobs, dont la personnalité incarnerait des valeurs de dynamisme, d'ambition ou d'audace, en serait la raison, ce qui ne semble pas être le cas des réseaux sociaux, qui seraient politiquement neutres. Eh bien... contrairement à Facebook, par exemple, LinkedIn est associé au monde de l'entreprise et a tendance à être étiqueté à droite. Même mécanique pour les opérateurs mobiles et les fournisseurs d'accès Internet. L'enquête a pu déterminer quelle valeur était associée à quel mouvement. Ça donne une gauche... qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends pas le reste, mais c'est pas grave. Donc, c'est ça. C'est ce que ça veut dire. Le reste, c'est des affaires très, très françaises. Tu connais le jeu vidéo Chop Chop Ninja? Non. Chop Chop Ninja. Non, ça me dit rien. Qui va être transformé en série télé à Télétoon. OK. Étrange quand même. Tu sais, on avait entendu parler de Angry Birds, qui aurait une série de dessins animés courts et aussi de films. Et ça, on pouvait comprendre parce qu'Angry Birds, tout le monde connaît. Chop Chop Ninja, moi, je trouve ça un petit peu plus underground. Mais pas tout à fait. Vous allez voir. Les sociétés montréalaises Game Horizon et Sardine Productions se sont entendues avec la chaîne canadienne Télétoon en vue de la production d'une émission télévisée tirée de son jeu mobile Chop Chop Ninja. Cette série sera accompagnée d'un second jeu qui s'appellera Chop Chop Ninja World. OK. La série télé suivra les tribulations d'un petit ninja fort talentueux appelé Hiro qui devra défendre son village de la menace d'une invasion tout en tentant de décrocher le titre apparemment fort convoité de Ninja Chop Chop. L'histoire en 52 épisodes de 11 minutes, 52 épisodes additionnels d'une minute ainsi que du matériel web. Donc encore une fois, c'est des séries courtes et c'est ce que j'apprécie. Parce que moi j'ai pas envie de regarder une demi-heure d'un petit personnage de jeu vidéo là, où il y a pas vraiment d'histoire là, tant que ça. Ouais. Ça va être un petit peu redondant, je pense. Un petit peu beaucoup. Game Horizon et Sardine Productions ouvrent pour leur part sur un nouveau jeu qui donnera suite à Chop Chop Ninja, un jeu pour téléphone mobile qui compte actuellement 5 millions de téléchargements à partir de l'App Store d'Apple. 5 millions, tu vois, c'est pas si pire que ça, ça là. Quand même. C'est sûrement, j'aimerais ça savoir, là, en ce moment, combien il y a d'utilisateurs de Angry Birds, ça doit être pas mal plus haut que ça. C'est sûr. Mais encore là, tu sais, téléchargement et utilisation ne veut pas dire code d'écoute, ne veut pas dire qualité, excuse-moi. Code d'écoute était un lapsus par rapport aux autres radios qui ont des bonnes codes d'écoute, mais qui ne sont pas un gage de qualité. Vous avez compris la blague. Bon. Oui. Maintenant, la marine américaine qui recrute un hacker de console. Si vous êtes un hacker spécialisé dans les consoles et le détournement des systèmes de jeu, la Navy, la marine américaine, s'intéresse à vous. Nous dit-on, la marine américaine cherche en effet à recruter un spécialiste en console capable de leur offrir un système leur permettant de surveiller les communications entre deux utilisateurs de consoles modifiées. L'armée est prête à payer plus de 150 000 $ pour obtenir un tel système de surveillance qui lui permettrait concrètement d'intercepter les communications entre deux joueurs sur Xbox Live ou le Sony Entertainment Network. La marine souhaite également être capable d'accéder aux données présentes sur une console qui n'est plus utilisée afin de remonter les communications de son ancien utilisateur avec d'autres joueurs. On se rappelle, c'est la semaine passée qu'on en parlait de la Xbox 360 qu'on resettait. On la remettait à neuf et puis les données étaient encore disponibles dessus parce que le disque dur n'était pas formaté de façon assez profonde. Ça ressemble un petit peu à ça, genre de personnes qui sont capables de détecter ces affaires-là. Ils veulent intercepter les communications, j'imagine, aussi. Exactement. La société Obscure Technologies a répondu à l'appel d'offres de l'armée américaine et se serait déjà vu attribuer certaines tâches, comme fournir un système de surveillance pour 6 types de consoles de jeu, générer des données ne permettant pas d'identifier les informations relatives à des utilisateurs ou encore proposer un prototype qui pourrait être implémenté dans une future console de jeu. Étrange. C'est bizarre. Ça fait peur, ces affaires-là. Ça fait peur. Tout à fait. Il y a 20 ans exactement que Super Nintendo sortait en Europe. Il est sorti aux États-Unis, au Canada, dans ces coins-là aussi. Et comme j'avais pas l'article de la version américaine, je le célèbre là. C'est la Super Nintendo qui fête ses 20 ans. Elle a été lancée le 21 novembre 1990 au Japon, puis le 13 août 91 dans sa version Super Nintendo américaine avec un look tout à fait différent. La seconde console de salon de Nintendo a débarqué en Europe le 11 avril 92. Hey, wow, ça veut dire... Caroline, de août 91 à avril 92, c'est comme une méchante distance entre les deux. Jamais vu ça. Wow! C'était sous le nom de la Super Nintendo. Elle est sortie pour contrer la Mega Drive de Sega, qui était déjà bien implantée sur le sol européen à l'époque. Elle finira par précipiter le déclin de cette dernière, on parle de la Mega Drive, avec des jeux comme Super Mario Kart, Super Mario World, Legend of Zelda, A Link to the Past, ou encore F-Zero. Et puis, ça, son pseudo 3D à ce jeu-là. Donc, bon souvenir pour tout le monde. Et je trouve ça vraiment long comme distance entre les deux. Je trouve ça bizarre. C'était dans le temps. J'imagine que les choses se rendaient moins vite. Hein? Les bateaux étaient moins... Sûrement. Sûrement ça. Maintenant, allons-y avec un petit minuscule tour du net. OK. Avec des choses que j'ai trouvées, que j'ai trouvées intéressantes, finalement, sur Internet. Okay. Si les choses peuvent se dérouler comme elles devraient sur l'ordinateur à ma droite. Oh, oui! Yeah. C'est une publicité pour la chaîne TNT. TNT aux États-Unis existe depuis quand même assez longtemps, mais elle a été lancée en Belgique et on a lancé une publicité pour faire la promotion de cette chaîne-là, TNT. C'est une chaîne dramatique, on présente des émissions, des fois peut-être violentes. Ah, j'ai vu ça. Avec de l'action, t'as vu ça? Pas ouais. À vlog toujours, pas à vlog. Non, non, non. Ok, phew. Non, mon post sur Internet. Ouais. Ajouter du drame? Ajouter du drame en appuyant sur un bouton. C'est génial. C'est très, très bien fait. Ah, tiens, là. Donc, c'est dans cette ville de Belgique, évidemment. La chaîne est lancée en Belgique. Et on a installé un bouton dans la rue, un petit bouton rouge, comme dans les quiz télévisés, comme à la guerre des clans, finalement. Là. Et puis, il y avait une flèche qui disait, appuyer sur le bouton pour ajouter du drame. Ouais. Hein? Et là, qu'est-ce qui se passe après ça? Est-ce qu'on peut le décrire? Des accidents de vélo qui foncent dans une porte de char? L'ambulance qui arrive, ouais. Essaie de rentrer le gars qui... C'est fait mal. Vu à l'ambulance, d'ailleurs. Ouais, exactement. Puis ça fonctionne pas. À un moment donné, t'as des joueurs de football qui arrivent pour sauver quelqu'un qui était par terre. Ouais, ça, c'était à la fin. T'as une moto aussi. T'as une fille extrêmement sexy qui passe en courant. Oui, tout à fait. Tout ça en espace de quoi? 30 secondes? 45 secondes? Exactement. Et ce qu'on a appris par après, parce que ce qu'on voit sur Internet, c'est tout le temps juste la publicité sans vraiment de contexte autour de ça. C'est que tout le monde, tout le monde dans la publicité est un acteur. Tu sais, ce qu'on pense, c'est que la personne qui appuie sur le bouton est comme surprise de voir tout ça, mais non, c'est un acteur. Les gens dans le public, c'est des acteurs. Donc, c'est vraiment, ça a été tourné dans une rue qui était complètement fermée pour s'assurer de ne pas blesser personne. Ouais, c'est ça, j'imagine. Parce qu'à un moment donné, quand le vélo passe derrière la personne qui a appuyé sur le bouton, puis qui se tasse un petit peu, il aurait pu se faire foncer dedans, puis ça, les assureurs n'auraient pas aimé ça. Tu sais, les coups de feu, là, mettons, grandement, là, pas avoir peur, là. Crise cardiaque, tombe à terre, plein de morts, non, c'est pas très, très gagnant. Donc oui, tous des acteurs et la musique est vraiment épique. Ouais. C'est ce qu'on aime. On connaît pas l'agence qui a fait la pub, par contre. Oh, non, on le suit plus tard. Non, c'est Duval Guillaume qui a fait cette pub-là pour la chaîne TNT. Okay. C'est très, très, très réussi. Génial. Ouais, c'est très cool. C'est malade. Et on a appris dans les derniers jours, en fait, c'est depuis hier, on s'est demandé la question depuis le 17 décembre 1989, où était Springfield dans les Simpsons? OK. Donc, il y a une entrevue qui a été donnée par le créateur des Simpsons, Matt Groening. Oui, je répète encore une fois pour que les gens ne disent pas « Mathieu, c'est Groening. » C'est Groening. Groening. Même si vous dites Groening, ça reste Groening. On a révélé que le Springfield en Oregon est la base pour son personnage, pour les personnages des Simpsons. Donc, il a admis ça dans une entrevue avec le Smithsonian Magazine, publié en ligne mardi. Il dit qu'il s'est inspiré de la série télé Father Knows Best, qui se passait à Springfield, en Oregon. C'est à 100 milles au sud de la ville où est né Groening, c'est-à-dire Portland. Et Groening n'arrêtait pas de donner des fausses réponses à travers les années. Il y a eu des faux indices donnés dans l'émission. À un moment donné, je pense qu'on avait même fait semblant de dire c'était quoi la ville pour, en fin du compte, expliquer que c'était pas vraiment ça, quelque chose du genre. Il y a eu plein de rumeurs, et bien, finalement, c'est ça. Il y a même un épisode où Lisa pointait Springfield sur une carte, mais c'est bloqué par la tête de Bart dans l'épisode. Mais bon, maintenant, on sait, c'est en Oregon. Et voilà, on se quitte avec du chiptune. François, t'en as pas eu de la semaine. On a fait 3 chroniques cette semaine, et t'en as pas eu de la semaine. Ouais. Je pense que tu mérites 2 tounes, non, c'est pas vrai. Juste une. Back to back. On n'arrêtera jamais. On écoute Zeiss